Bonjour amis Gémeaux et ascendants Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver pour votre oracle de Béline concernant vos amours au mois de janvier 2024. Donc tout d'abord, je vous souhaite une très heureuse année 2024. Et là donc, on va regarder quel est le message de l'oracle de Béline pour vos amours pour le mois de janvier 2024. Bon, alors la coupe, elle est moyenne. Elle indique peut-être que certains d'entre vous rament et sont malheureux en amour. Bon, on va voir. On va voir le reste du thème, si ce n'est pas le cas, du thème. J'ai l'habitude de parler de thème astral. On va voir le reste du tirage. Mais ici, bon, si vous êtes, tout va bien, peut-être que vous allez craindre que ça ne dure pas, justement. Mais on va voir le tirage, puisque là, on en est sur une coloration du jeu, avec la coupe. On est pour les Gémeaux janvier 2024. Gémeaux janvier 2024. Ah oui, en effet, il y a quelque chose... Attendez, je repense à la coupe et aux différentes possibilités, parce que je m'adresse à tous les Gémeaux et aussi à tous les Gémeaux ou célibataires ou en couple, etc. Alors, si ça n'allait pas dans votre couple, on a vu que la coupe n'était pas bonne. Et en effet, ici, il y a une rupture qui risque de se produire au mois de janvier. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de négociations pour peut-être sauver le couple, mais malgré tout... ça, vous allez gagner du temps, mais c'est vrai que la rupture, elle risque quand même d'arriver. Voilà, là, on ne peut plus rien dire d'arriver d'ici la fin de janvier 2024. Écoutez, pas de problème quand ça arrive. C'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile, mais sachez que c'est toujours pour un mieux par la suite. C'est que ça n'était pas la bonne personne. Alors... si tout allait bien dans votre couple, parce que là, je sens que certains vont se faire des cheveux blancs, eh bien, écoutez, si tout allait bien, il y a peut-être... il peut y avoir une discussion houleuse qui va se produire sur une grosse déception de l'un ou l'autre par rapport à un projet que vous aviez. Il y a une dispute, en fait, qui risque d'arriver plutôt fin janvier. Donc, faites très attention à ce que les choses ne s'enveniment pas. Si tout allait bien, c'est dommage de tout gâcher à la suite d'une déception. N'en faites pas non plus voilà, un sujet pour rompre, parce que ce serait dommage. Alors, donc, arrondissez les angles, voilà, c'est ça le conseil. Et enfin, pour les célibataires, bah, vous l'avez compris certainement d'après le tirage, eh bien, ce n'est pas le moment pour de rencontrer quelqu'un, si c'est votre désir. Il n'y a pas d'aventure non plus. Moi, je vous sens plutôt solitaire, là, au mois de janvier, pour commencer l'année. Peut-être que on dirait aussi que vous allez beaucoup réfléchir à toutes les déceptions que vous avez pu avoir, et donc vous n'êtes pas trop dans cette envie de nouvelles rencontres. Il pourrait même y avoir, voilà, un semblant, peut-être qu'une personne qui vous tournait autour ou sur qui vous comptiez peut-être, vous allez peut-être vous disputer avec cette personne. En tout cas, vous ne pouvez pas compter dessus, vous devez tourner une page. C'est pas bon pour vous au niveau amour au mois de janvier. On est dans l'amour pur, on n'est pas sur la famille, on n'est pas sur l'amitié. Donc ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de soutien, que vous serez seul. Ça, ne l'oubliez pas, on n'est jamais seul. Par contre, eh bien, ce qui peut arriver également, c'est que vous ayez le ciel qui change et une meilleure météo en février. Au printemps aussi, ce sera possible. Mais en tout cas, là, janvier, on oublie. Voilà. Profitez des autres secteurs de votre vie et patience. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de janvier.